Le micro n'est pas encore assez intelligent pour s'attacher tout seul. Bon, bien, on va y aller avec le livre. Est-ce que la sensation autre que la peur, telle la joie et le bonheur, peut nous faire évoluer? Sensation forte de joie ou de bonheur, ou de, etc. Toute sensation est exprimée par le système endocrinien dans le corps physique de l'homme. Quelle que soit la sensation, elle fait évoluer. Alors une personne peut dire, bon, ça veut dire que si je m'arrange pour toujours avoir des sensations fortes de joie, je vais évoluer autant que celui qui souffre toujours. Oui. Le problème, c'est que, étant donné que l'ego est de la mémoire, mémorisant l'expérience d'une sensation forte, il faudra que cette sensation forte soit de plus en plus forte pour engendrer la mutation. À un moment donné, la personne va dire, « Ouais, ben tu sais, c'était le fun avant, mais là, c'est tellement de fois qu'on le fait qu'il n'y a plus rien là. » Et c'est pourquoi, bien souvent, de la joie, on passe. Malheur. Le malheur, qu'est-ce que c'est? Vous savez que n'importe quel humain sur la planète est prêt à accepter un tyran. N'importe quel tyran. Vous seriez tous prêts à voter pour Adolf Hitler si vous pouviez savoir qu'il reviendrait en politique. Tous. Il n'y en a pas un parmi vous qui voterait contre. Mais savez-vous comment on pourrait vous faire voter pour Adolf Hitler? Il faudrait simplement vous envoyer un tyran 2, 3 ou 4 fois plus tyrannique que lui, qui martyriserait l'humanité pendant 5 à 10 ans, et lorsqu'Adolf Hitler arriverait, vous l'accueilleriez tous en sauveur. La sensation forte, qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, à un moment donné, la personne, elle a de la joie. Pourquoi elle a de la joie? Exclusivement parce qu'elle vient de perdre ce qui la faisait souffrir. Mais cette joie-là est peut-être une souffrance, qui, en différence de potentiel, apparaît comme une joie. Lorsque vous aurez vécu 5 ou 10 ans avec Adolf Hitler, eh bien là, si un autre tyran moins pire arrive, Napoléon, ah là, vous allez l'accueillir en sauveur. Après 5 ou 10 ans avec, là, vous allez vous révolter. Là, on va envoyer quelqu'un d'autre. Et c'est continuellement comme ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'humain se tanne continuellement de ce qu'il a parce qu'il est investi d'un processus réincarnationnel qui le manipule à ne jamais être satisfait. L'homme ne doit pas être satisfait, l'homme ne doit pas être en paix, il ne doit pas être heureux s'il n'a pas la conscience intelligente de l'amélioration évolutive. Parce que sinon, l'homme, lorsque l'homme est en paix, eh bien, il s'assoit et puis il fait rien. Il se distrait un peu, il passe le temps, yata, puis se suicide. Il n'y a rien. Il n'y a plus d'alimentation qui manipule suffisamment l'âme pour bouger. Alors, on a parlé la semaine dernière des êtres contrôles qui manipulaient l'homme de façon à engendrer des processus réincarnationnels typiques et particuliers pour que quand ça va bien, eh bien, que tu tombes sur un joint puis que ça tente peut-être de te joindre à ce gang-là. Puis là, tu fumes ton joint. Et voilà, tout allait bien, maintenant t'es drogué. Ou tu deviens alcoolique. Ou tu perds ceci. Ou tu perds cela. Ou le feu pogne. Ou un gars qui décide de mettre le feu à un pyromane. Ben pourquoi il a choisi ta bâtisse? Ben, il a pas choisi ta bâtisse, il s'en allait avec sa bouteille. Ben, à un moment donné, ben, il y a eu le feeling qui mettait le feu là. C'est ça. Il a mis le feu là. Puis toi, ben, tout allait bien, là, tout va mal. La différence de potentiel est ce que l'être humain appelle le bonheur, la joie. On va te couper les deux jambes. Accident de taux. Puis 2 jours avant l'opération, on vient de dire, non, il y en a une qu'on peut sauver. Ah! Ah! Ah! Si on t'aurait dit, on en a coupé une. Catastrophe. On va en sauver une. Wow! C'est ça. C'est la joie. C'est le bonheur. On en coupe un qu'une. Comprenez? Alors, on a envoyé le tyran. On va en couper 2. Après ça, on en coupe un qu'une. Ah, ben là, maudit, tu te prends bien. Ben oui. Si on aurait envoyé juste le sauveur du premier coup, ben, tu ne l'aurais pas pris. Pour que le Nazaréen soit bien pris par l'humain, faut que l'humain mange plus de crotte avant. Pourquoi? Le Nazaréen viendrait sur la planète Terre et dirait à une personne, « Toi, tu ne fais plus ça! » Pouah! Sacré bleu! On va tout faire pour dire, pas le Nazaréen, ça. Tellement plus simple. Si un gros problème planétaire arrive avant, eh bien là, l'humain sera prêt à tout faire ce que l'intelligence, ce que l'énergie christique à l'intérieur de chacun des humains qui va survivre du point de vue de la conscience, eh bien l'ego, l'anti-homme, va être prêt à faire n'importe quoi. Mais l'anti-homme a trop de puissance sur la planète Terre. Il devait prendre cette puissance-là pour manipuler le corps en donnant l'illusion du libre-arbitre au corps humain, en donnant de l'orgueil au corps humain pour que le corps humain dise « je et moi », de façon à ce qu'il puisse être assujetti à toutes les forces d'involution, les forces manipulatrices dans le monde de la mort. Et maintenant que l'anti-homme, maintenant que ce que l'homme appelle l'homme, ce que moi j'appelle l'anti-homme, est devenu puissant, puissant, puissant, à un point qu'il peut polluer la planète de A à Z, à un point qu'il peut s'entretuer, et à un point où il en arrive même dans sa conscience illusoire à envisager qu'il a la capacité de détruire la vie sur la planète Terre, ce qui est absolument faux. Du point de vue de la structure moléculaire atomique, c'est possible. Sauf qu'on va faire péter une bombe nucléaire qui va anéantir toute la surface de la planète Terre. Et puis là, bien lentement, il y a des places que la radiation n'ira pas, puis il y a des humains qui n'auront rien au niveau génétique, puis ça ne marchera pas leur affaire. Bon, il y a tous ceux qui auront à vivre l'expérience pourront vivre l'expérience, si ça leur est arrivé. Mais l'être humain ne vit que par différence de potentiel. Comment? L'homme ne sait pas c'est quoi la paix, l'homme ne sait pas c'est quoi le bonheur. C'est quoi la paix? C'est entendre des gouttes d'eau tomber de l'évier. Plox, plox. Ça, c'est la paix, quand ça fait une semaine qu'il pleut sur ton toit de tôle. Puis là, ça vient d'arrêter, il reste cinq, là, plox. Plox, tranquille, c'est la paix. Après un an de plox. Là, on ramène la tornade, l'ouragan, deux semaines de temps. Après ça, il reste cinq, là, plox, tranquille. Ah! Au moins, il est sécurisant. Et après un an, t'es encore tanné. C'est quoi le bonheur chez l'homme? C'est juste ça. T'aimes plus le gâteau? Moi, t'es en privé. Dans un an, tu as aimé le gâteau. C'est bien simple. Or, la joie, la stimulation, ces choses-là, ça crée autant de mutations au niveau évolutif pour la simple raison que ce ne sont que des illusions. Ce ne sont que des illusions. On vous fait souffrir, mais vous ne percevez moins ou on vous fait souffrir un peu moins. Le meilleur bonheur permis dans l'âme de l'homme est une souffrance mineure. Par différence de potentiel avec la souffrance antérieure. Jamais l'âme, jamais la créature du temps, jamais la mémoire chez l'homme ne sera en paix ou ne sera heureuse, elle ne peut pas. L'âme, ça n'évolue pas, c'est pourquoi après des millions d'années, ça n'a rien compris, rien changé. Ça accumule de la mémoire et ça manipule les corps physiques. Ça les envoie dans des sexes, dans des guerres, dans des commerces, dans des chicanes. Ça l'occupe sur le plan planétaire. De façon à ce que les corps physiques voyagent, veulent découvrir de nouveaux horizons, s'exportent, s'importent, se déportent. Rien que ça. Mais ça ne peut pas connaître ce que l'être humain appelle le bonheur. J'ai dit, moi, de souvent, que l'homme nouveau, celui qui aurait une conscience supramentale, connaîtrait quelque chose de supérieur au bonheur. Oui, ce ne sera pas une différence de potentiel. Il y en a ici qui, à Noël, recevaient une pomme ou une orange. C'était génial. Aujourd'hui, on leur donne 400 pièces de cadeaux. Puis ils te regardent en voulant dire, Christ, tu t'aurais pu te forcer un peu. C'est quoi? C'est la différence de potentiel. Étant donné qu'une orange, t'en manges tous les jours, c'est pas un cadeau à Noël. Étant donné que les oranges, t'en manges jamais, c'est un cadeau à Noël. Et il y a autant de mutations évolutives de donner un orange à quelqu'un qui en a jamais que de donner une corvette à celui qui ne l'a pas. C'est la même chose. Ça coûtera juste plus cher. Mais c'est la même évolution au niveau de la génétique. Sauf que pour qu'un être humain qui reçoit beaucoup fasse attention à son cadeau, il faudrait lui donner un cadeau qui vaut mauditement plus que ce qu'il y a normalement. Moi, j'ai eu une radio transistor, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai eu cela. Noël, on me donne un Walkman. J'ai cassé ma radio transistor à longue, j'ai tout cassé, etc. Fait qu'à un moment donné, mon Walkman, ben, je le mets sur une table, puis là, je vois un gâteau là-bas, puis je m'en vais le chercher. Le Walkman traîne à terre. Ah, mon Walkman. Pff, m'en fous. Si mon Walkman vaut $1 million, mais faire attention. À un moment donné, pour que l'humain, l'ego, fasse attention à ce qu'il a comme cadeau, bref, en savoure la valeur émotive, donc mutatoire, il faut que la différence de potentiel soit très grande. Les employés, les premiers qui travaillaient, qui ont syndicalement refusé la colonisation intellectuelle des patrons, ils ont demandé une vacance, au moins. Ils ont eu une vacance. Ah, c'était le bonheur. Là, aujourd'hui, ben là, les employés, ceux qui ne fonctionnent pas, là, les fonctionnaires, voilà, ceux-là, sont rendus la majorité qui veulent même avoir maintenant un congé pour, comment ils disent ça, épuisement au travail. Bon. Là, ils ont tous les congés que l'entreprise privée n'a pas. Ils ont un paquet de maladies, en tout cas, c'est cumulatif. C'est très intéressant. J'en ai un de mes amis qui travaille là-dedans. Je suis au bout. Et puis là, maintenant, ben, épuisement au travail. Il y a une compagnie présentement qui prend votre courrier puis va le porter pour 30 cents. Puis pendant ce temps-là, les fonctionnaires des sociétés canadiennes, ben, ils veulent se reposer par épuisement au travail à 36 cents. Oui. Alors, la différence de potentiel, elle est là. C'est quoi le bonheur chez l'homme? Différence de potentiel. Comment voulez-vous aimer quelqu'un? Ben, c'est pas compliqué, ben. Vous rencontrez un patron qui vous donne toujours une claque dans le visage, qui fait sauter votre char quand vous le placez pas où ce qu'il veut, qui est toujours en train de vous menacer. Quand il rentre, vous travaillez, il vous regarde en voulant dire qu'il va vous bouffer. Puis à un moment donné, ce gars-là, il rentre, puis il vous fait un petit sourire. Et vous allez dire, ah, il est pas si mauvais que ça, c'est un maudit bon gars. Ben oui. Le patron qui est toujours souriant, qui, ah, oh, tu peux le mettre là, ah, oh, pas de problème, ah, oh, t'as... Vous allez l'ambitionner au bout de dessus. Lui, c'est un cochon. La journée qui va dire non, ah, là, ça peut être un vrai chien. Puis le boss qui dit toujours non, la journée qui va dire oui, ah, oh, différence de potentiel. Ceux qui ont des enfants, vous récompensez le tannant quand il fait quelque chose de bien, puis vous chicanez le bien quand il fait une chose de mal. Cet enfant-là ne fait jamais les commissions. Lui, il fait toujours. La journée qu'il refuse, on chicane. Lui, on ne chicane plus, on est habitué. La journée qu'il accepte, on le récompense. Lui, on ne le recommence pas, on est habitué. Ben, ça marche. Différence de potentiel. Chercher le bonheur du point de vue de l'évolution animale-humain, c'est simplement chercher une carotte. Puis quand elle va être mangée, ben, il n'y aura plus de carotte. Il faut en chercher une autre. Est-il mauvais de coucher sur un lit d'eau? Bon, maintenant, vous avez ri un petit peu. On continue la question. À cause des ondes électromagnétiques qui se dégagent du chauffe-eau. Ah! Bien, effectivement, tout ce qui est électrique et qui fonctionne dans une chambre pendant le sommeil perturbe l'énergie vitale du corps physique et nécessairement empêche, perturbe énormément la qualité de la récupération biologique d'énergie vitale, donc du sommeil physique. Voilà. Est-il néfaste de trop dormir, 10 à 12 heures par jour? Est-ce que le sommeil trop prolongé est récupérateur ou perte d'énergie? Ça dépend des individus. La question est très simple. Quand je dors 12 heures, je me lève, j'ai la mop. C'est pas bon. Quand je dors 12 heures, je me lève, je suis en forme. C'est bon. Oui, c'est simple. Bien qu'à vous observer. Il n'y a pas de standard humain. On veut, et tout a été bâti pour normaliser. Tu dors 12 heures, t'es un maudit paresseux. Tu dors 4 heures, ben oui, là, ça n'a pas d'allure. Pourquoi? Parce que moi, je dors 8 heures. Il faudrait que vous dormiez toutes 8 heures. C'est la standardisation, la normalisation, le collectivisme. Tu dors 12 heures, tu es en forme, dors 12 heures. Tu dors 4 heures, tu es en forme, dors 4 heures. Si l'homme n'existait pas, Dieu l'inventerait. Ben, il faudrait que Dieu soit pas, hein? Bon, en tout cas. Moi, si j'existais, je voudrais ne pas être Dieu. Qui a inventé l'autre? Tous les dieux qui sont émotivement contactés par l'homme sont des créatures de l'homme. Toutes les formes de choses qui sont priées sont des créatures de l'homme. Toutes les divinités qui sont présentement manipulatrices de l'humain sont les esclaves de l'homme. Lorsque le Nazaréen enseigne à l'humain comment prier avec le Notre Père et qu'il termine avec le mot « Amen », qui veut dire « Amen », en « way ». « Amen » veut dire « ainsi soit-il, ainsi soit-il ». C'est un ordre, qu'il en soit ainsi. C'était pour les initiés, parce que le peuple, l'animal humain, va dire qu'il en soit ainsi sans jamais le vibrer. Lui, il prie simplement, il prend son énergie, puis il la donne des mains de Dieu qui vient têter, puis ça finit là. Sauf que le Nazaréen, lui, avait engendré un autre égrégore céleste, le « mon père » ou « notre père », ce qui est le même phénomène. Parce que quand quelqu'un disait « mon père », j'ai fait une conférence, mais lorsque j'étais jeune, et je disais « mon père », j'ai frissé tout le monde, parce que le monde, il disait « ouais, mais c'est aussi notre père ». Ben oui, mais je vois pas le rapport. Mais c'est comme ça. Alors, le Nazaréen est un diplomate, « notre père », c'est plus facile. Lorsque l'être humain prie ses religions, ses dieux, il les crée, il les anime et il les nourrit. Lorsque l'humain cesse de prier un dieu, ce dieu-là, après quelques années, disparaît à jamais et n'a plus aucune puissance, il est mort. Il est dissous. Il est digéré par les autres dieux. Qui a créé qui? J'en ai parlé souvent dans les conférences antérieures. Je ne vais pas revenir ce soir là-dessus. On va revenir dans d'autres conférences. Le phénomène divin, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Il y a un être... Non. Il y a une quantité d'intentionnalité qui n'existe pas parce que ce n'est pas mémorisé. C'est de l'instantanéité. Et l'instantané, du point de vue de la conscience temporelle de l'homme, ne peut pas exister. Si c'est instantané, ce n'est pas mémorisable. Lorsque c'est mémorisable, c'est la photo qu'on voit de l'instantané, mais ce n'est pas l'instantané. Alors l'homme, du point de vue de l'âme, ne peut voir que l'expression de ce qu'il appelle Dieu, mais ne peut pas voir Dieu. Jamais il ne pourra voir ou connaître une divinité instantanée, il ne pourra qu'en voir les traces. Et il va, étant donné qu'il est mémoriel, lui-même, de constitution temporelle. Étant donné que l'homme, amique, l'assujetti, l'anti-homme assujetti à l'évolution de l'animal humain, étant donné qu'il est mémoire, lui-même, et se vénérant dans son orgueil du « je » en tant que mémoire, vénérera aussi la mémoire de l'instantané. Alors, au lieu de rechercher l'intentionnalisateur, ils vont rechercher les traces laissées par lui. Au lieu de rechercher l'essence même d'un Dieu instantané, ils vont adorer et vénérer les traces qu'il a laissées. Alors, le Dieu instantané passe dans votre cou, puis il laisse des traces. Puis là, vous vous garochez, vous avez hâte qu'il s'enlève de là. Puis là, vous commencez à embrasser les traces. Ça, ce sont les religions humaines. Et la religion humaine, ce n'est pas la trace. La trace, c'est l'égrégore. Mais tout ce qu'on met dedans... Vous placez un petit siège, une petite affaire, plein, vous voulez vous couper de la terre, vous amenez la trace dans votre maison. Là, vous l'êtes là. Tout ce phénomène-là est la créature de l'homme. Alors, lorsque l'homme prie la trace pour que la trace laisse une trace chez lui, il va arriver tout ce qui est mécaniquement, contrôlé par le monde de la mort, le monde de la mémoire. Mais l'instantané, l'homme ne le verra pas. Et cet instantané, il habite chacun de vous. Sauf que, habitant chacun de vous, il laisse aussi des traces dans la mémoire expérientielle de l'homme. J'expliquais à celui qui est illuminé, il dit « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Là, il se coupe, puis là, il regarde ce qui s'est passé. Puis il trippe sur la mémoire. On a tous ce contact avec ce que vous pourriez appeler une divinité instantanée. Instantanée veut dire qu'elle est instantanément tout le mur. Avenir, passé, présent. Tout ça au complet, c'est instantanément réuni à la même place dans un schéma de conscience. Mais ça n'existe pas du point de vue de l'homme, parce que l'homme est existentiel exclusivement parce qu'il est expérientiel. L'homme existe parce qu'il a la faculté de mémoriser l'existentiel, l'instantané. Et mémorisant l'instantané, on finit par regarder la mémoire, et là on se dit, tout ça au complet, je l'adore parce que c'est la preuve que l'instantané existe. Mais le problème, c'est que ça au complet ici, on essaie de le placer de façon à avoir une image de l'instantané. Et là, on va adorer l'image de l'instantané, oubliant de ce fait même de devenir instantané. Qui a créé l'autre, ou etc., ça ne change rien à rien. La création, c'est une erreur, un accident. L'homme est intentionnel et son rôle, c'est de corriger l'accident. Éliminer la création. Résorber l'univers. Détruire l'univers. C'est ça, le rôle de l'homme. Mais émotivement, hypocritement, on va dire, le rôle de l'homme, c'est de revenir vers son créateur. Bien, c'est sa même maudite affaire, hein? Et ça explose à un moment donné, ton rôle, c'est de revenir vers ce qui a explosé. Bon, bien, une fois que tu es revenu, il n'y aura plus rien en arrière. C'est la même affaire. Qui a créé? Rien. L'instantané est présent au-delà de notre création et elle anime, elle supporte la mémoire. Et l'être humain est de l'instantané placé dans ce phénomène temporel qui est échelonné sur quelques 15,5 milliards de murs, 15,5 milliards, disons, de déroulements temporels, d'années-lumière de murs. Et la conscience instantanée, bien, elle est tout ça en même temps. Et l'être humain a la faculté d'aller chercher, sauf que l'être humain a de la mémoire amique. L'homme étant très limité au contexte planétaire, l'homme ne pourra jamais englober tout l'univers dans ce contexte planétaire. Et c'est pourquoi l'homme engendre des religions théologiques, émotivo-théologiques. Il y a effectivement une mécanicité qui pourrait instruire l'homme. Instruire l'homme mémorisé et qui lutte contre l'anti-homme dans l'âme. Il y a un phénomène intelligent instantané qui habite l'homme. Mais on doit simplement le laisser s'exprimer un peu plus, et puis on se désassujettit de l'évolution de l'animal humain. Qui a créé quoi? En même temps que Dieu créait l'homme créait Dieu. Voilà. L'homme n'est pas anthropocentrique, il est anthropocentrique. Bon, ça, c'est, on sait qui l'a écrit. Bon. Est-ce que ça mute? Le troupeau mute? Oui. Très lentement. Bon, doit-on aussi, en pré-sommeil, visualiser une phobie? On ne doit pas, mais on peut. Une phobie, si on arrive dans le sommeil à vivre la phobie, à transpirer la phobie, à sécréter des hormones biologiquement, parce que dans le sommeil, on vit la phobie, et que dans le sommeil, on décide de passer à travers la phobie, quand on va y parvenir, on va y avoir parvenu dans la psychologie. Et nécessairement, bien, ça sera réglé dans l'expérience de la réalité, parce que c'est votre psychologie qui nuit à la phobie. Sauf qu'au lieu de perdre du temps à niaiser devant un ascenseur, puis j'embarque-tu pas, on le fait pendant le sommeil. C'est simple. C'est pour ça que ce phénomène du sommeil, si on veut le comprendre d'une autre façon, on peut s'arranger pour éliminer des choses. Comme ça, si je rêve de belles choses, rose comme le papier et comme moi, elles m'arrivent. Elles m'arriveront pas. Vu que l'émotion du bonheur aura et déjà été vécue en rêve. Bien, effectivement, il y a énormément de personnes qui, en rêve, vont vivre des choses extraordinaires et ils sont toujours déçus parce que dans la réalité, ça ne leur arrive pas. Pour la simple raison, et s'ils rêvent hormonalement, s'identifient très puissamment à leur rêve, bien, effectivement, dans la réalité, ces choses-là n'arrivent pas. C'est pourquoi on va faire des romans d'amour, on va faire des films de telle ou telle chose, parce que ce qui a été rêvé, bien, on aimerait tant que ça arrive, alors on le transmet par l'éducation, soit la cinématographie, soit les romans ou autre chose, et ça n'arrive pas. Lorsque l'individu a peur, la majorité des peurs psychologiques que vous avez vécues, ce n'est jamais arrivé. 99,9% des peurs réelles qu'on a eues n'ont jamais abouti dans l'expression de la réalité. Mais quand un individu y pense, mais juste passé, pas arrivé. Ça me semblait, j'ai eu comme le feeling que, non, tu y as pensé, puis tu as refusé le penser, puis à un moment donné, l'événement arrive. On peut décoder bien des choses avec cela. Mais une chose qui est évidente, c'est que si vous rêvez que du bonheur dans vos rêves et que vous le vivez convenablement, eh bien, ces choses-là ne vous arriveront pas. Chaque fois que l'être humain pense à une chose, il le pense d'une façon tripante, reliée au phénomène intestinal, c'est-à-dire au trip dans le langage populaire. Lorsque l'être humain le vit d'une façon endocrinienne, hormonale, eh bien, ces choses-là n'arrivent pas. Ça n'arrive jamais comme l'humain a pensé ou a vécu, dans le point de vue de sa pensée. Il y a des jours où Dieu prie pour que tout soit fini. Qui Dieu prie-t-il quand il prie? Bon, ça, c'est de la philosophie, parce que Dieu n'est jamais descendu dans la tête de l'homme pour lui dire qu'il priait lui avec. Par contre, la question n'est pas tout à fait dénuée de bon sens. Lorsque l'homme prie, Dieu prie. Et quand on prie, on est pris. Qui Dieu prie-t-il? Lui-même. Nous avons créé Dieu lorsque Dieu nous a créés. Et quand je parle de Dieu, je ne parle pas de ce que je pourrais considérer comme étant mon père. Non, non, je parle du phénomène astral qui peut être le père de l'antihomme dans l'homme. Émotivement, le père créateur des âmes humaines porte un nom, et ce nom-là, en traduit en français, est porteur de lumière. Traduit dans un langage plus théologique et ésotérique, il s'appelle Lucifer. Et c'est lui qui a engendré l'humanité amique. De A à Z. Ce n'est pas lui qui a engendré l'humanité biologique. Et l'intelligence, c'est autre chose qu'un phénomène luciférien mémoriel. Les religions se plaisent à parler d'un Dieu tout-puissant. Puis là, il y a plein d'erreurs quand c'est commis par un employé qui a mal travaillé. Si Dieu est tout-puissant, comment il a fait pour ne pas savoir que l'autre travaillerait mal? Comment il a fait pour ne pas réussir à l'empêcher? Et patati patata. Et la chute de l'homme. Bling, paf, paf. Ouais. Il y avait un qui a planté son arbre ailleurs que dans le paradis. Puis Christy, on n'aurait pas fait de chute. Homme qui roule amasse de la mousse, l'esprit résorbe la mousse. Pourquoi de la mousse? C'est encore le gros problème, c'est que la personne qui pose la question ici est l'anti-homme chez l'homme. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'être humain, c'est l'animal humain qui pose la question. Et quand je parle d'animaux humains, il ne faut pas se sentir péjorativement rejeté. Parce que lorsque je dis « la personne, c'est un noir », et le noir, il sent que je suis raciste, mais t'as rieux, il y a 20 canettes blancs, c'est simple. Je dis qu'il est noir, j'ai pas dit que noir était pas bon. Lorsque je dis « animal humain », je ne dis pas que c'est pas bon. C'est essentiel, il n'y a pas d'être humain s'il n'y a pas d'animaux humains en dessous pour les faire naître. La question est posée par un animal humain, c'est-à-dire par l'anti-homme chez l'homme. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a un paquet de jeux de mots très intéressants. Homme qui roule, blablabla. Bon, on s'amuse, on s'occupe. Pourquoi de la mousse? L'esprit résorbe la mousse. Bref, l'homme ramasse des problèmes, l'esprit ôte les problèmes. Pourquoi les problèmes? Question du point de vue de l'anti-homme. Dans le phénomène cristallisé du temps et de l'espace, ces deux choses-là n'existent pas du point de vue cosmique, ils existent simplement pour l'homme. Et l'homme est une créature du temps et de l'espace. Étant donné que toute cette mécanicité-là, elle existe, elle a une expression d'intelligence, et cette expression d'intelligence va être la gestion de la résorption de cette chose. Et la résorption de cette chose, elle se fait par une mécanique qui lentement finit par engendrer ce que vous appelez des hommes, des femmes, des enfants. Mais ces corps biologiques-là n'ont pas de structure suffisamment atomique, atomiquement orchestrée, pour être manipulable par de l'intelligence. Je prends un petit ordinateur, là, un TRS-80. Bon, là, je commence à pitonner des bebelles, je me rends compte, tiens, ça marche pas partout. La vitesse du chronomètre, c'est tellement lent que ça n'a pas d'allure. La page graphique est à peine lisible. Il faut que je me recule quasiment de 50 pieds parce que la résolution n'est tellement pas bonne que je joigne les carrés. J'essaie de faire certains calculs. Je veux rentrer un deuxième programme dedans. Ça ne marche pas. Je veux communiquer avec un modem. Je veux prier avec une intelligence. Puis là, Christy, ça prend 5 heures de temps parce que la vitesse de communication est extrêmement lente. Qu'est-ce que je fais? J'ai beau être de l'intelligence, la machine ne me permet pas de m'exprimer. J'ai une imprimante à pointe là, qui tape à peu près comme qu'elle peut, là, parce qu'en haut du croche travail, les lettres un peu croche. C'est l'expression. Alors, je vais dire que ça ne vaut rien. Du point de vue cosmique, on ne peut pas dire ça parce qu'on ne peut pas aller acheter ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre l'ordinateur, on ouvre les circuits intégrés, les puces, on tripote les petites puces, et ça se fait à la longue à travers la mutation biologique parce que le corps physique a la faculté, ce qu'a pas l'ordinateur, de changer en vivant. Il s'alimente de matière. Pas juste de mémoire. L'ordinateur, que de mémoire. Et de vie, d'électricité. Mais l'homme, elle s'alimente aussi de structures matérielles. Il peut se changer. Et lentement, l'ordinateur, on le tripote, puis on en fait un gros ordinateur qui, lui, a la faculté de pouvoir travailler avec 3, 4, 5, 6, 10, 15 programmes en même temps. Il imprime avec une imprimante au laser, ça règle mon problème. La communication téléphonique, il peut émettre sur plusieurs ordinateurs en même temps. Il a accès à un ordinateur central hyper majeur. Alors, il a un contact avec un phénomène espritique qui lui amène même des points de vue qu'il ne peut pas aller chercher. Et là, je dis, mon intelligence a maintenant la machine pour. Le corps physique, c'est la machine pour. Sauf qu'en attendant, le TRS-80, il fait ce qu'il peut. Sauf que lorsque je change de bebelle, puis là, je le rallume, puis je lui dis, « Maintenant, tu t'appelles un Macintosh. » Là, ça s'allume, ça dit, « Bien, je suis un TRS-80 Macintosh, OK? » Ce que l'homme fait. Et là, je vais parler de l'anti-homme. Il ne veut pas oublier ce qu'il a été. Il veut être mieux. Le pire ne peut pas être mieux. Le pire doit disparaître pour que le mieux s'installe. Ce qui vous constitue est éternel. Ce qui est constitué avec est mortel. Je garde les mêmes transistors. Je garde les mêmes diodes. Je garde les mêmes thyristors. Je garde les mêmes résistances, les mêmes condensateurs. Je garde les mêmes éléments qui constituent mon TRS-80. J'en rajoute d'autres. Je place différemment. Je forme un autre circuit intégré. Et là, j'ai un ordinateur plus puissant. J'ai gardé le constituant, mais ce qui était constitué, je l'ai changé. On appelle cela une mutation. Pourquoi la mousse? Bien, la mousse, c'est simplement le tournevis qui tripote les vis. Puis quand les vis ne veulent pas se dévisser, bien là, on les effrite, puis on les casse, on prend une paire de pinces, puis on tord, puis bon. C'est ça, la mousse. Plus l'anti-homme chez l'homme résiste, plus il y a de la mousse qui s'accumule dessus. Simplement, pourquoi il y a de la mousse? La pitié est-elle de l'amour intelligent? Non. La pitié est de la projection égoïque vers l'extérieur où je vois quelque chose, puis là, je me mets inconsciemment à sa place, puis bordel que j'aimerais pas vivre ça. Alors là, je reviens inconsciemment à ma place, puis je me dis, bordel, pauvre lui, pauvre moi. L'amour intelligent, ce n'est pas de la pitié. L'amour intelligent, c'est tout à fait autre chose. L'amour intelligent, ça va permettre à notre individu d'aider la personne ou de ne pas l'aider. Mais elle ne sera jamais manipulée par son système émotif. La pitié, elle engendre dans le corps de l'homme une expression endocrinienne. La pitié, comme toute forme d'émotion appelée spirituelle, c'est calculable avec un appareil de biofeedback. Moi, je prends un petit appareil, là, je le connecte après vos doigts, puis quand vous commencez à sécréter, le bruit monte. Bon, c'est très simple, hein? Bon. Alors là, vous regardez quelque chose, là, puis et que, je le vois l'appareil. Vous allez même être capable de vous dire, on fait une expérience de temps en temps similaire, c'est le fun parce qu'on connecte cet appareil-là aux individus, et puis là, je leur dis, donne-toi une claque en plein visage. L'appareil fait Moi, je passe à côté. Moi, je donne une claque. Pourquoi? Quand tu te frappes, toi, tu l'acceptes. Quand je te frappe, moi, tu l'acceptes pas. Mais pourtant, non, ça me dérange pas. Mais écoute l'appareil, ça me dérange. Sauf que tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore de discernement suffisamment subtil pour décoder le système endocrinien. Il vient de sécréter. Mais l'appareil, lui, étant donné que tu transpires, même si tu t'en rends pas compte, le peu que l'électronique va le détecter. La pitié, c'est détectable avec un appareil électronique. Et ce n'est pas de l'amour intelligent. L'amour intelligent n'est pas détectable. Elle n'est pas émotive. Elle n'est pas endocrinienne. Elle est du point de vue de la vibration, donc du sentiment. L'hiver, c'est très intéressant parce qu'on conduit notre automobile et puis on ôte la chaufferette un petit peu. Bien, on ne la met pas dedans les vitres. On met en place pour chauffer les pieds. Bien, les pieds, je ne parle pas des passagers. Je parle des... ce qui est dans les bottes. Bon. Et puis là, on roule sur la route. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait juste nous couper. Aussi, nous n'ont rien fait. Mais est-ce que dans votre vitre en avant, il y a un petit peu de buée? Ça vous a fait quelque chose. Vous avez transpiré un petit peu plus. Vous allez dire à la personne, « Voyons, non, où est-ce qu'il y a ma cassette? » Non, je l'ai. Maintenant, regardez votre vitre en avant. Si vous n'avez pas le défrost dessus, vous allez voir qu'il est un petit peu embué, ou beaucoup. Ah, il s'est passé quelque chose. Ah, vous n'avez rien vu, peut-être, puis ça ne change rien. La vitre l'a vu, elle. S'il y a plusieurs futurs possibles, il y a plusieurs futurs possibles. Le résultat, il y a un résultat et il est accompli. Il y a donc plusieurs précurseurs possibles. Non. Je répète, et ça va finir par être compris, ça c'est faisant référence à une de la première conférence de janvier. Il n'y a pas plusieurs précurseurs possibles. Tout ce que vous faites est accompli du point de vue du résultat. De quelle façon les phénomènes archangéliques qui manipulent les troupes, les troupeaux, vont s'arranger pour que vous parveniez à accepter le résultat, je m'en fous. Et le phénomène cosmique s'en fout aussi. Par contre, lorsque l'être humain apparaît dans le corps, il va accomplir le résultat qui est prévu et la façon dont on va y arriver, ça, mais ça, on s'en fout. Il n'y a pas de destinée individuelle, il n'y a que de destinée collective. Lorsque l'individu devient individuel dans sa conscience, il n'est plus assujetti à la destinée collective. Il aura le même résultat. Ça, c'est prévu, c'est déjà accompli. Mais la façon dont il va, ce n'est pas prévu. Si vous avez quelque chose à apprendre, vous l'apprendrez. De quelle façon? On s'en fout. Mais vous l'apprendrez. Vous allez lutter contre, on s'en fout. Mais vous finirez par l'accepter. Sauf que si c'est compris du point de vue de l'être humain, plutôt que du point de vue de l'animal humain, si au lieu de se laisser malmener par l'évolution cellularisante, la mutation évolutive, on veut l'enclencher, ah ben là, c'est autre chose. Le résultat sera le même. On ne précipite pas son évolution parce que le temps n'existe pas. Mais on peut changer la condition de l'illusion qui nous mène d'un point d'évolution à un point d'évolution. Vous êtes ici, vous vous en allez là et vous irez là. Par la suite, là. Comment vous y allez? Je m'en fous. Le phénomène archangélique va manipuler les troupeaux. Et de toute manière, vous vous ramasserez là. Vous aurez eu l'illusion de prendre 20 ans, de prendre 10 ans, de prendre 50 ans, de prendre 2 semaines. On s'en fout, c'est de l'illusion. Vous arriverez là. Lui le fait en méditant, lui le fait en allant dans un bordel, lui le fait en travaillant, l'autre le fait en conscientisant, en magnifisant, l'autre le fait... Aucune importance. De toute façon, vous allez vous ramasser là où vous allez à être. De quelle façon, allez-y comme vous voulez, vous allez y arriver. Mais il y a d'autres moyens que de passer par la plénitude de la souffrance. Les heures les plus réparatrices sont-elles de 22h à 2h du matin? Dans la majorité des corps physiques de l'hémisphère nord planétaire, avant minuit sont les heures les plus parfaites pour récupérer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut poser les questions là-bas pour que ce soit enregistré. Alors, je vais une petite question comme ça, on va la répéter. Dans la majorité des cas, pour la simple raison que la structure atomique des corps physiques, l'énergie vitale du corps physique est hautement en alliance avec l'énergie qui prédomine lorsque l'énergie solaire a quitté le sol. Et lorsque je parle d'avant minuit, il faut faire attention, on parle avec l'heure avancée de l'Est, on ne parle pas de l'heure normale de l'Est, et, parce qu'on est à l'Est. Lorsque l'être humain vit sa journée, il accumule suffisamment d'énergie yang, c'est-à-dire d'énergie solaire, et l'énergie yin, l'énergie tellurique, ce sont des termes très intéressants, mais ces énergies-là existent, ce sont des énergies cosmiques. Cette énergie-là, elle est carrément aplatie par ce qui descend de notre système, de notre soleil, l'énergie yang. Notre être humain, dans la majorité des cas, fonctionne avec une glande pinéale qui a la faculté de décoder l'énergie yang et l'énergie yin. L'être humain qui se conscientise, ce qui est surtout le cas de l'hémisphère nord de notre planète, et plus un être humain se conscientise, plus il devra se coucher de bonne heure. Pourquoi? Parce que la glande pinéale, qui a souvent été, disons, l'a souvent confondue avec le troisième œil, parce qu'elle a la faculté de détecter l'énergie âme, donc la lumière, cette glande pinéale-là va réagir surtout à la différence de potentiel entre la perte d'énergie âme et yin. Dans l'adulte, disons, chez l'adolescent, la glande pinéale, chez l'enfant, sécrète continuellement des hormones, ce qui permet à l'enfant d'être androgyne, c'est-à-dire d'être asexué. Il a un corps physique, mâle ou femelle, mais il ne peut pas se reproduire. Et il n'a pas non plus toutes les contraintes manipulatrices de l'évolution conventionnelle de l'adulte. Lorsqu'il arrive à l'adolescence, la glande pinéale cesse de plus en plus de ses sécrétions. Elle sécrétera la nuit et non le jour. D'où l'idée qu'elle voit. Troisième œil. Troisième œil, c'est l'hypophyse, c'est pas l'épiphyse, la glande pinéale. Lorsque l'énergie âme se retire, la différence de potentiel permet une meilleure sécrétion de la glande pinéale. Et là, lorsque l'être humain va se coucher pour se reposer, étant donné que ce qui, normalement, du point de vue de l'évolution de l'âme, l'anti-homme, ce que lui appelle l'homme, lutte contre tout ce qui est intelligent dans l'expression ou instantané, va lutter, va mélanger tellement d'hormones. Du point de vue de sa conscience réelle, à cette glande pinéale, il va suffisamment annihiler le processus de sécrétion pinéale, je pense l'explication atomique et neuroatomique, pour que la glande pinéale sécrète avec difficulté ses hormones. Lorsque l'énergie yin est suffisamment copiée par le corps physique de l'homme, et que l'homme est resté réveillé, lorsqu'il se couche après minuit, dans la majorité des cas, eh bien, la glande pinéale a été ralentie, et lorsque l'extraconsciatisation se fait, la glande pinéale ayant eu, parce qu'elle n'est pas réveillée comme chez l'enfant, elle s'est endormie chez l'homme, la glande pinéale ayant eu suffisamment de freins à travers l'expression du manque de yang, donc de yin, elle n'a plus de stimulation pour sécréter. Lorsque le soleil s'en va, si on le laisse se coucher, on est dans la nature, on va nécessairement s'endormir un peu, on va avoir le goût de dormir. Et si on se couche lorsque le soleil s'en va, c'est le meilleur temps pour que la glande pinéale, qui est la mémoire matérielle, on appelle cela de temps en temps un troisième cerveau, la mémoire matérielle qui orchestre et qui mémorise ce qui devra par la suite être muté dans le cerveau de l'homme, eh bien, elle se libérera et permettra la mutation. Lorsque l'individu reste debout, lorsque la glande pinéale commence à libérer ses mémoires, celles-ci ne sont pas complètes, exactement comme si on vous donnait une feuille de papier se déroule et on veut taper des lettres, on veut taper un message. La vie, donc le corps physique, a un chronomètre, une rapidité. Et lorsque la feuille se déroule, l'intelligence mémorielle amenée, cristallisée dans la glande pinéale, sera libérée à une vitesse particulière. Et là, vous aurez le message. C'est un exemple que je donne. Si le papier se déroule plus lentement ou plus vite, et normalement c'est plus rapidement lorsque nous sommes réveillés, eh bien on tape la lettre E, on tape la lettre P, on tape, là, le message, il n'y a plus tellement de sens. Lorsque l'individu se couche de bonne heure, la glande pinéale, elle, va taper sa bonne vitesse. Lorsque l'être humain est réveillé, la glande pinéale vient pour taper, puis elle est ralentie par toutes les sécrétions apparemment conscientes de l'astral dans le corps de l'homme. Et étant ralentie, bien, le papier s'avère à continuer d'aller à la même vitesse, et la glande pinéale étant ralentie, le message est tellement étiré qu'on ne peut plus le lire. Imaginez-vous un livre où il y a une lettre par page. Vous ne l'achèterez pas. Si vous l'achetez, bien, vous ne le lirez pas. Il n'y a plus que les intéressés qui vont le lire, mais... Trop des humains pour faire ça. Alors voilà pourquoi on a un sommeil plus réparateur, c'est que le corps physique assimile plus facilement la mutation. Et lorsqu'on va se réveiller, hier passe mieux, parce que notre corps ayant été changé quelque peu, eh bien maintenant, on le supporte. Tandis que si on ne l'a pas cellularisé, si on n'a pas eu le temps de prendre un bon sommeil, on ne le supportera que difficilement. Et de jour en jour, on va finir par le supporter. On appelle ça s'habituer. Si on voit l'intelligence d'avoir une maison dans le Nord, serait-il bon après sommeil? Peut-on la réaliser dans l'avenir? C'est une projection. Faites ce que vous voulez dans le pré-sommeil. Le pré-sommeil ne sert pas à projeter quelque chose, il sert à vous empêcher de souffrir inutilement, comme l'animal humain va devoir le faire. Lors du pré-sommeil, il nous faut préparer tellement minutieusement le rêve qu'hormonalement, on en vit presque les conséquences. Alors, comment se préparer pour ne pas subir d'insomnie? Est-il nécessaire de se rappeler le rêve pour qu'il soit effectif? Pourquoi? Vous allez de toute façon vous en rappeler. Le rêve peut être mutatoire même si on ne s'en rappelle pas. Mais s'il est mutatoire avec une dose suffisante de puissance, vous allez nécessairement vous en rappeler. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Maintenant, lors du pré-sommeil, il nous faut préparer tellement minutieusement le rêve qu'on risque de ne pas dormir. Si on le prépare trop minutieusement et si on arrive à ne pas dormir, c'est qu'on le prépare intellectuellement, pas émotivement. C'est juste ça, la nuance. Et on doit nécessairement... il y a des choses... Il y a possiblement, à un moment donné, un séminaire que je vais faire sur le voyage astral, donc sur la mécanicité qui permet à l'humain de dormir d'une autre façon. Sauf que ce séminaire ne s'adressera qu'à les plus grosses personnes qui ont fait déjà mon séminaire intensif. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de données essentielles à comprendre pour pouvoir parvenir à ce que je puisse tout expliquer la phénoménologie de ce genre de sommeil. Lorsque l'individu prépare son sommeil, elle doit s'arranger pour ne plus avoir conscience du corps physique. Tout à l'heure, je l'ai expliqué. En termes simples, elle doit menphiser. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit s'arranger pour avoir une conscience énergétique vitale suffisante du corps physique pour pouvoir le dédoubler. Bon, et patati patata. Si on n'a pas tous les éléments essentiels pour arriver à dormir d'une autre façon, comme je vais, à un moment donné, possiblement le donner aux gens qui ont fait le séminaire, ça n'empêche pas les personnes qui ne font pas ce séminaire de pouvoir dormir. Mais ça prendra un temps. Moi, j'ai passé du temps à expérimenter des choses, et puis finalement, j'arrive à le faire. Bon, alors, si ça m'a pris 15 ans à comprendre la mécanicité, l'individu qui devra le faire, et étant donné que moi, ça m'a pris un nombre d'années, pas 15 ans, ça m'a pris quelques mois, mais quand même. Bon, c'est la personne qui voudra le faire, elle aura, elle aussi, à passer par l'expérience. Sinon, elle aura simplement accès à l'information donnée par quelqu'un d'autre. Comment est-ce que le corps peut exprimer hormonalement un événement pendant le sommeil alors que l'âme est dans l'astral? L'âme n'est pas dans l'astral. L'âme est simple. La conscience de l'âme est dans un autre plan. Elle est dans un monde astral. Alors, je vais expliquer. Voici l'âme. Ça, c'est de l'âme, ici. Là. C'est d'ailleurs un peu la même couleur. Bon. Alors, je vous présente l'âme. L'âme, elle doit prendre de l'eau, et l'eau qu'elle prend, elle le transforme en âme. Et le transformant en âme, elle fait comme une ballonne, elle grossit. Alors, il y a un trou ici. Ça, ce sont les sens biologiques. Ça permet d'être en contact avec notre odorat, notre ouïe, notre visuel, etc., et de nos détecteurs hormonaux. Et là, on expérimente, on rentre de la mémoire. Ça grossit. Sauf qu'on est relié par un canal au monde de la mort. Ce canal-là porte un nom, votre nom d'ailleurs, votre prénom. Le nom familial aussi, c'est la génétique familiale. Lorsque nous dormons, la conscience qui est placée dans cette âme ici, qui a un contact atomique avec le système neuronique, qui donc le contact s'étend par le canal ici, disons, au corps physique, nécessairement, votre conscience est dans votre corps. J'ai déjà expliqué que si je prenais un poids de 500 livres et que je le plaçais sur votre pied, votre conscience serait dans le pied, de A à Z. Une personne passerait en même temps et vous piquerait les fesses avec une aiguille. Vous ne le sentiriez même pas. Il n'y aura rien à faire. On vous parlerait, vous n'entendrez rien. « Hey, t'as gagné à la loterie, 10 millions! » T'entendrais rien. Mais tant que t'as pas le poids sur le pied, la conscience reste placée au niveau où elle est exprimée dans le système endocrinien, dans le légiférateur endocrinien, le système hypothalamus et thalamus, et dans le système coronarien, là où on peut décoder certains phénomènes hormonaux. Pendant le rêve, la conscience, l'âme reste dans le corps, la conscience chemine dans le canal et s'en va s'amuser ailleurs. S'amusant ailleurs, elle peut prendre suffisamment de recul pour avoir une idée globale de toute la mécanicité qui manipule l'homme pour que l'homme vive des choses. Et là, c'est pourquoi on parle de peut-être un peu d'avenir et de passé. L'avenir n'existe pas. C'est comme ça que ça marche. Je vais d'ailleurs prendre un peu d'âme. Quelle énergie le corps physique retire-t-il du sommeil, de l'énergie vitale? Pourquoi est-il nécessaire biologiquement parlant? Il n'est pas nécessaire biologiquement parlant. Combien de fois votre cœur pompe-t-il par jour? Quand se repose-t-il? Pendant combien d'années va-t-il pomper? Il ne se repose pas. Le repos biologique n'est pas nécessaire si l'être humain a une bonne circulation sanguine et si les échanges d'énergie matérielle atomique, c'est-à-dire la transformation des sucres, du dextrose, disons, en énergie motrice, calorifique, c'est un résidu, se fait avec de l'oxygène, donc d'une façon aérobique. Le corps n'a pas de problème avec l'acide lactique qui l'empoisonne et il n'a pas besoin de repos. Un corps humain n'a pas besoin de repos. Ce n'est pas le corps humain qui a besoin de repos, c'est le corps vital qui a besoin de repos. Parce que tout au long de la journée, l'âme qui ramasse de la mémoire a besoin d'énergie vitale pour pouvoir supporter sa mémoire, son expérience, ses frustrations, épaissir son périsprit pour mieux se protéger. Et il prend cette énergie vitale-là dans le corps physique de l'homme, dans la structure atomique de l'homme. Étant donné que la structure atomique de l'homme perd un peu de son énergie, elle perd de sa mémoire. Et lorsque la mémoire est trop faible dans une région particulière du corps, eh bien, mettez pas un microbe ou un virus là, parce que l'énergie vitale du microbe va être tellement puissante comparée à la région où il va, qu'il va transformer l'énergie vitale du corps là où il vit, engendrant une pathologie. Et c'est ce qu'on appelle la fatigue, c'est lorsque la structure du corps, lorsque les muscles ont de la misère à recevoir de l'énergie, les muscles atomiquement perdent en dose d'énergie, c'est-à-dire que les orbitales, même des électrons, peuvent changer, mais ça s'épuise. Et là, il y a la fatigue. C'est détecté par le corps vital de l'homme, qui est en correspondance avec le corps physique par ce qu'on appelle les carrefours d'énergie, les chakras. Et chaque chakra est relié à une glande endocrine. Et par le système endocrinien, le corps astral est au courant de la fatigue parce qu'il est le contrôleur, le maître contrôleur du système endocrinien. Il est au courant de la fatigue et il va, parce qu'il est archétypalement programmé à préserver la vie du corps, il faut qu'il mute. Il ne faut pas qu'il tue. Alors, il s'en va le coucher, et puis là, il doit l'abandonner un peu pour être ailleurs. Voilà. C'est pourquoi le corps physique a besoin de sommeil. Mais en réalité, c'est le corps vital qui a besoin de sommeil. On peut dormir assis, on peut dormir couché, on peut dormir de n'importe quelle façon. Si pendant la nuit, on ne ramasse pas suffisamment d'énergie vitale, on se lève le matin, puis on est encore fatigué. Comment procéder pour que la période de pré-sommeil ne persiste pas toute la nuit? Si une personne arrive à engendrer une période de pré-sommeil très, très, très, très, très intense et qu'elle ne s'endort pas, elle n'aura simplement pas besoin de dormir. Bon. Si elle engendre une période de pré-sommeil qui est émotivo-intellectuelle, là, elle va brûler de l'énergie au niveau neuronique parce que ça ne se fera pas au niveau énergétique, son pré-sommeil. Ça va se faire au niveau neuronique à cause de l'intellect. Quand on vit émotivement, on n'épuise pas le système neuronique. Le système endocrinien va épuiser un peu le corps. Lorsque l'on vit une chose intellectuellement, on vit à travers le système neuronique. C'est du prémental. Et là, on va épuiser le corps. On épuise le corps, on épuise le système atomique vital du système nerveux, du système neuronique, du cerveau. Et ça, évidemment, draine le corps physique. Lorsque la personne vit son pré-sommeil d'une façon émotive, lorsqu'elle le vit autrement que dans son corps, et ça, vous, les mots sont un petit peu compliqués comme ça, il faudrait que je barbouille sur un gros tableau pour bien expliquer l'idée. Et lorsque la personne vit cela d'une façon émotive, le terme est suffisamment juste, et non pas intellectuel, elle va s'endormir. Est-il préférable de s'endormir en pensant positivement ou négativement lorsque l'on veut atteindre un but? Atteindre un but, cela fait partie de l'illusion de l'évolution de l'anti-homme, donc de l'animal humain. L'homme qui sera un jour sur cette planète, n'aura aucun désir. Il ne vivra pas émotivement, il vivra d'une perception vibratoire, le sentiment, et il ne désirera rien. La nuance entre l'homme ancien, l'animal humain, qui ne désire rien et qui est évachi de son plancher puis qui attend que l'inutile passe, de l'homme nouveau qui, lui, désire rien, mais qui va accomplir les choses, c'est qu'on désire parce que le canal qui nous relie au monde de la mort est ouvert. Alors, les personnalités réincarnationnelles, dirigées par des êtres de contrôle, pénètrent chez nous et viennent nous stimuler. On désire, on a des buts. Et les buts ne sont que des régions spatio-temporelles créées à l'échelle de la conscience émotive de l'homme pour que l'homme, manipulé, transforme la matière pour arriver au but. Il vivra de la mutation hormonale. Et bien souvent, le but sera toujours une désillusion. J'ai atteint tout ce que je voulais. Bon, au bout, félicitations. Maintenant, tu fais quoi? Voilà, on va commencer par me reposer, puis après ça, je verrai. Ben, c'est ça. Tu vas recommencer, autrement dit. C'est bien. Tu recommenceras. Lorsque l'être humain est un homme nouveau, il a étranglé le canal qui l'assujettissait au monde de la mort. Il a suffisamment ouvert le canal de son ajusteur de pensée qui l'assujettit au plan mental et supramental. Eh bien, il n'a plus de désir du point de vue de l'émotion. Par contre, il sait instantanément ce qu'il doit faire, alors il accomplit, il agit. Il n'a pas besoin de se dire, bon, qu'est-ce que je ferais bien? Non, il se lève quand c'est le temps, il bouge. Et l'humain va dire, c'est plate à mort. C'est plate à mort pour l'antihomme. Mais c'est réellement pas plate à mort. Surtout quand tu es immortel, quand tu arrives là, plate à mort. Le futur est-il dans l'astral? Oui, c'est de la mémoire. On peut se rappeler l'avenir. Les archanges sont-ils dans le ciel ou dans les cieux? Les archanges sont des phénomènes célestes et non pas cielestes. Ils proviennent non pas de... Ils ne sont pas intelligents, ils sont mémoriellement intelligents, bien régis par des entités archétypales qui vont porter des noms de très, très grandes structures de contrôle, en l'occurrence, Jéhovah pour les archanges. Et ils auront des phénomènes énergétiques, des quantités d'espace-temps sous leurs ordres. Les humains vont appeler ça des personnalités. Ce sera des anges, ce sera des phénomènes d'un genre. Quel rôle les esprits de transmutation, oui, effectivement, jouent-ils dans le processus du rêve? Ils vont jouer un rôle exclusivement si l'individu dans le processus du rêve travaille son évolution à partir d'une tradition très particulière de l'évolution neuroscientifique de certains humains. Alors là, je réponds pour la personne qui pose la question, parce que s'il faut me mettre à expliquer tout le phénomène, ça va être un petit peu long. Où se trouve le plan moronciel, énergie vitale? C'est un monde parallèle qui cohabite immédiatement avec nous autres. L'énergie vitale, le plan moronciel, c'est la vie. Ça l'a engendré, la vie. C'est ce qui révèle la matière. Alors, cette énergie-là, elle se trouve où? Elle se trouve partout à l'échelle de cette création. Au niveau planétaire, il y en a dans l'air. Il y en a dans votre corps. Il y en a autour de votre corps, il y en a entre vous, il y en a entre la chaise et le plancher, il y en a entre chaque molécule de votre corps et de tout ce qui existe, il y en a entre le plafond et vos têtes, il y en a partout. Lorsque l'être humain, par le contrôle mental de ce que j'appelle l'interpréteur actionnel, et que c'est des grands mots, mais ça veut tellement dire, un phénomène énergétique qui interprète la pensée de l'âme pour la transmettre en corps physique. Un exemple? J'ai soif. C'est un phénomène, un exemple que je donne souvent au séminaire. On prend un verre d'eau, on le place sur une table. Et puis là, je dis à la personne, si tu as soif, tu prends de l'eau. La personne, à un moment donné, ben, elle va prendre de l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé? Je l'arrête, puis je lui demande, pourquoi tu prends de l'eau? Ben, parce que j'ai soif. Elle détecte, du point de vue de l'ego, les structures corporelles. Elle a une déshydratation, elle a soif. Alors, elle se dit, inconsciemment, ben, je vais boire. C'est suffisant pour que l'interpréteur actionnel interprète la pensée, la transforme en énergie motrice pour aller chercher l'eau, l'amener, la boire, l'avaler, reporter le verre. On va dire, comme d'habitude, ah oui, mais c'est normal. C'est normal, hein? Mais souvent, dans le séminaire, je demande aux gens de contracter leur bicep. Il n'y en a pas un qui est capable. De contracter juste le bicep. Il n'y en a pas un qui est capable. D'ailleurs, ici, si on fait l'expérience, à part ceux qui ont fait le séminaire et qui maintenant, évidemment, le savent, il n'y en a pas qui sont capables de contracter exclusivement le bicep comme je le fais, vous ne serez pas capables. Et une fois que j'ai expliqué cela, que je contracte juste le bicep, eh bien, j'explique aux gens, mais maintenant, je vais recommencer sans tricher, et je contracte juste mon bicep. Voilà, je contracte juste mon bicep. La personne me dit, ah ouais, bien, il faut bouger le bras. Non, il faut contracter le bicep. La résultante, c'est que le bras bouge. Mais les humains pensent que parce qu'ils bougent le bras, le bicep se contracte. C'est tout à fait l'inverse. Et on n'a pas cette idée. Alors, imaginez-vous tout ce qu'il faudrait que je sache pour aller chercher le verre d'eau qui est là. J'ai pas fini. Deltoïde, trapèze, rond pronateur, je m'amuse en masse. C'est pour ça que quand vous avez commencé à marcher, vous marchiez comme une personne qui essayait d'apprendre la musculature. Mais l'interpréteur actionnel, une partie chérubinique, d'énergie vitale, interprète vos désirs émotifs et les transmet en action. Alors, vous vous dites, Christy, hey, as-tu vu là-bas, tu te lèves et tu marches? Est-ce que tu es conscient? Absolument pas. L'interpréteur actionnel le fait. L'énergie vitale, c'est quoi? Lorsque l'être humain prend contrôle de son interpréteur actionnel, il est capable de faire bouger les objets à distance parce que l'énergie vitale se trouve entre lui et les objets, et c'est la même chose. Dans le séminaire, je dis aux individus que vous n'êtes pas capable, la pensée ne contrôle pas le corps. Et je dis à la personne, place ton bras et concentre-toi pour que le bras lève. Le bras ne lèvera pas. Puis quand j'ai un fin finot qui me fait ça, ben je dis pas de problème, maintenant bouge ton oreille. Ah, ben là, ben c'est ça. La pensée, elle ne bouge pas. L'interpréteur actionnel ne fera contrôler que ce qu'il a été programmé. Et l'expérience de la vie le programme. L'énergie vitale, le plan moronciel, ben c'est simplement tout ce qui permet la vie et l'animation. Quel rôle les esprits, voilà. Qu'est-ce qui fait que mon corps réagit à la musique? La musique est une onde de forme. La musique est quelque chose de visuel. La musique est de la matière. Sauf que une certaine forme d'énergie, je l'aperçois par ma main, et j'appelle cela chaleur. La même énergie, je vais l'apercevoir par mes oreilles, j'appelle cela son. La même énergie, plus haute en vibration, je l'aperçois avec mes yeux, j'appelle cela lumière, et etc., etc. La musique, c'est simplement de la matière, c'est une perturbation de matière, donc la musique est une forme d'énergie, si l'on peut dire, qui parvient à nos oreilles et qui nécessairement parvient à tout notre corps au complet. Et cette musique, elle a la faculté, vu qu'elle est supportée par un onde de forme, donc par de l'énergie vitale, de faire vibrer le corps vital de certains individus, selon la constitution du corps vital et la musique. Et le corps vital est ce qui crée le périsprit de l'âme. Il va lentement animer le périsprit, ce qui va créer une expérience intra-amique, appelée émotion. Et la personne, elle dira, je vibre à cette musique-là. Et c'est pourquoi la musique la manipule, en bien ou en mal. Mais une manipulation, de façon, c'est toujours originale. Est-ce que le rêve est une insulte pour l'homme réel? Non, parce que pour l'homme réel, il n'y a pas de rêve. Comment vivre dans un rêve et du même coup bénéficier d'un sommeil récupérateur de façon à ne pas se réveiller épuisé le matin? Quand la personne va être suffisamment observateur, donc conscient qu'elle rêve, dans son rêve, lorsque la personne pourra mentalement embarquer dans le rêve, et ça se fait à la longue, eh bien, elle dormira comme un bébé. Comment équilibrer le chakra de la gorge en ayant une parole juste? Et il y a certains aliments que la personne prend, des choses qui ne sont pas trop bons pour la santé, qu'elle devrait éliminer un petit peu. Elle sait quoi? Et puis même si c'est chiant, quand je dis à quelqu'un qu'il sait quoi, parce qu'il me dit « je sais quoi? » Ben quoi? Je sais pas quoi. Oui, elle sait suffisamment quoi. Comment décoder soi-même un cauchemar répétitif qui se présente sous différentes formes? On n'a pas besoin de décoder. On a simplement à revivre le cauchemar en pré-sommeil, rentrer dedans et l'éliminer. Une personne qui me dit « qu'est-ce que ça veut dire? Comment décoder le fait que ça fait 4 crevaisons que j'ai après mon automobile? » Tout ce que je peux lui dire, moi, achète-toi 2 roues de secours. Et tu n'auras plus de crevaisons. C'est simple. Et tu n'auras plus de crevaisons. C'est très, très, très simple, mais c'est ça. Hein? Alors, je parlais avec la comptable en bas. Ça fait 4 ans qu'elle a la clé pour entrer. Elle n'en a jamais eu besoin. Alors, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui devait venir porter quelque chose, et puis elle lui a prêté la clé. C'est la seule fois qu'elle se débarrassait de sa clé. Là, elle a mis se pointer, c'était barré. La seule fois qu'elle avait besoin de sa clé, c'est la fois qu'elle l'avait prêtée. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu sécrètes. Ça veut dire ça. Ça veut juste dire ça. La vie, elle est très simple. Quand l'animal humain essaie de comprendre, de créer une espèce d'intelligence, une logistique émotive de tout ce qui lui arrive. Dans l'Antiquité, on disait, t'as eu 4 crevaisons, t'as fait un péché. C'est simple. Ah, mais quel péché? Ah, tu le sais. Et là, la personne elle va se dire, tabarnouche, je n'ai fait bien plus qu'un péché. Pourquoi ça commence à péter juste là? Dans d'autres théologies, dans tes vies antérieures, c'est encore plus simple. Non, tout ce qu'on veut, c'est que vous sécrétiez des hormones. Quand l'humain ne sécrète plus d'hormones, il est un être humain ou un animal très, très, très archaïque. Autrement dit, il est un fou ou un sage. Alors, c'est juste ça. Tout ce qui vous arrive, ça vous fait sécréter. Observez. Votre corps embarque là-dedans, même un tout petit peu. C'est pour ça que ça vous arrive. Il y a une autre forme d'évolution par l'intelligence. Mais quand il nous arrive des petites choses comme ça, bah, c'est ça. Comme les neiges, tout à l'heure, vous allez sécréter des hormones parce que vous allez devoir pelleter, puis le char est crotté, puis il y en a qui vont devoir attendre l'autobus et patati patata. En passant, pour ceux qui viennent en autobus, je ne sais pas si Mario Gosselin vous l'a dit, mais c'est une chose que je trouve intéressante. Il y a des fortes possibilités que du métro Crémazie, peut-être vendredi prochain, mais je le ferai vérifier, qu'il y ait un minibus qui attend des gens là-bas pour les amener ici. De toute façon, ce qui n'est plus à marcher. Je ne me rappelle pas de mes rêves. Explique le phénomène du fait qu'on oublie ses rêves. Eh bien, on oublie ses rêves pour la simple raison que, endocrinalement, ces rêves-là ne servent à rien. Tout à l'heure, j'ai expliqué que plus on le vivrait profondément, plus on s'en rappellerait. Et ça viendrait par l'expérience. On oublie ses rêves simplement parce que ces rêves-là sont vécus du point de vue, sont ajustés par l'ajusteur psychologique, l'intellect, et ils ne servent pas au niveau de l'évolution. Lorsqu'on a la faculté de les vivre émotivement, et à la longue, on finit par être conscient qu'on les vit émotivement, eh bien, on dort d'une autre façon. Et cette façon-là peut nous permettre d'éviter bien des conneries dans le reste de notre vie. La semaine prochaine, je ne sais pas c'est quoi le titre, mais j'en parlerai. Alors, vous êtes les bienvenus. En attendant, ben, pelletez.